Et comment direz-vous, il sera bientôt revenu? Il va bientôt être revenu. Wird bald Bald. zurück Zurück. gekommt. Ce n'est pas gekommt, mais Gekommen. ni gekommen tout seul. Pour il sera bientôt revenu, il faut dire Wird bald zurückkommen. wird bald zurückkommen. C'est la phrase que nous avions vue précédemment, qui correspond à il va bientôt revenir. Là, je veux que vous disiez il sera bientôt revenu. Wird bald zurückkommen sein. Zurückkommen sein, c'est être revenir. Or, je veux que vous disiez être revenu. Wird bald zurück sein. Bien, pourquoi pas. Wird bald zurück sein correspond à il sera bientôt de retour. Il va bientôt être de retour. Et il sera bientôt revenu. Il va bientôt être revenu. Ça sera. Il faut trouver comment dire revenu à la place de retour. Mais d'abord, comment dites-vous venu? Gekommen. Gekommen, c'est exact. Comme tout à l'heure avec ist gekommen. Il est venu. Et comment diriez-vous alors revenu? En arrière venu. Zurückgekommen. Zurückgekommen, c'est bien revenu. Et maintenant, comment dites-vous? Il sera bientôt revenu. Wird bald zurückgekommen sein. Wird bald zurückgekommen sein. Comment diriez-vous, il sera bientôt de nouveau ici? Il va bientôt de nouveau être ici. Wird bald. Wird bald. Il sera bientôt. De nouveau. Comment dit-on cela en allemand? Lorsque vous souhaitez voir de nouveau quelqu'un, comment lui dites-vous au revoir en allemand? Auf Wiedersehen. Exactement. Au revoir, c'est Auf Wiedersehen. Et voir de nouveau, c'est Wiedersehen. Alors, comment dit-on de nouveau? Wieder. Wieder. Oui, donc, wird. Wird bald wieder hier zurück sein. Bien, là vous dites de nouveau de retour. Je voulais vous faire dire il sera bientôt de nouveau ici. Il va bientôt de nouveau être ici. Wieder hier sein. Reprenez. Il sera bientôt de nouveau ici. Il va bientôt de nouveau être ici. Wird bald wieder hier sein. Bien. Wird bald wieder hier sein. Bientôt de nouveau, c'est bald wieder. Wird bald wieder hier sein. Donc, wieder, c'est de nouveau. Comme dans Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, c'est exactement comme en français. Au revoir. Au plaisir de vous voir de nouveau. Et si vous parlez au téléphone à quelqu'un, vous ne direz pas Auf Wiedersehen, mais Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. En effet, au téléphone, vous ne voyez pas, mais vous entendez. Or, entendre, c'est hören.